L'Association générale des Coréens en Chine a publié le 5 courant une déclaration sous le titre « Châtillons le gouvernement fantoche sud-coréen, foyer de l'injustice et de la corruption ».